Je suis dans une rue à sens unique. Les voitures garées à gauche dans ce sens de circulation et l'étroitesse de la rue le confirment. Cet automobiliste a mis son clignotant pour entrer dans le parking. Le cycliste et le piéton se dirigent tous les deux vers l'entrée de ce parking. L'automobiliste devra céder le passage à l'un et à l'autre avant de tourner. Réponse A et C.